Volume 2 de Melmoth ou l'homme errant de Charles Robert Mathurin. Chapitre 1. Vous savez, Seigneur, que je suis né en Espagne, mais vous ignorez encore que je descends d'une de ses plus nobles familles, d'une famille dont elle aurait pu s'enorgueillir dans les jours de sa plus grande gloire, en un mot, de la famille de Montchada. Je l'ignorais moi-même pendant les premières années de ma vie. Mais je me rappelle fort bien que, pendant ces années, il y avait un singulier contraste dans les traitements que j'éprouvais. D'un côté, la tendresse la plus vive, et de l'autre, un mystère impénétrable. J'habitais une chétive maison dans un des faubourgs de Madrid, et j'étais confié aux soins d'une vieille femme, dont l'affection paraissait dictée autant par l'intérêt que par l'inclination. Toutes les semaines, j'étais visité par un jeune cavalier et par une femme d'une grande beauté. Ils me caressaient, m'appelaient leur enfant chéri. Et moi, attiré par les plis gracieux que formaient la capa de mon père et le voile de ma mère, ainsi que par un certain air de supériorité indéfinissable que je leur trouvais sur toutes les autres personnes dont j'étais entouré, je rendais leurs caresses et je les suppliais de m'emmener avec eux à la maison. À ces mots, il faisait un plus riche cadeau à la femme chez qui je demeurais, et dont les soins redoublaient après ce stimulant. J'observais que leur visite était toujours courte et qu'ils ne venaient que le soir. Mon enfance fut donc enveloppée des ombres du mystère, et c'est peut-être à cela qu'il faut attribuer la teinte durable et ineffaçable qui a marqué les vues, le caractère et les sentiments de toute ma vie. Un changement soudain eut lieu. Un jour, on vint me voir. On me couvrit de riches vêtements, et l'on me conduisit dans une superbe voiture, dont le mouvement m'étourdit, à un palais dont la façade me parut touchée aux cieux. On me fit passer rapidement par plusieurs appartements, dont la richesse m'éblouit, et par des haies de domestiques qui me saluaient, jusqu'à ce que j'arrivasse à un cabinet où était assis un vieux seigneur. Sa posture tranquille et majestueuse, la silencieuse magnificence dont il était environné, me disposèrent presque à m'agenouiller et à l'adorer, comme ces saints qu'après avoir traversé une église immense, nous trouvons placés dans quelque niche solitaire, richement décorée. Mon père et ma mère étaient tous deux dans le cabinet, et semblait considérer avec respect ce fantôme âgé, pâle et auguste. Leur respect augmenta le mien, et quand ils me conduisirent à ses pieds, je me crus sur le point d'être offert en holocauste. Il m'embrassa cependant avec un peu de répugnance et encore plus de sévérité. Quand cette cérémonie, pendant la durée de laquelle je tremblais vivement, fut terminée, un domestique m'emmena et me conduisit dans un appartement où je fus traité à tous égards comme le fils d'un grand seigneur. Le soir, mes parents vinrent me voir. Ils pleurèrent en m'embrassant, et je crus m'apercevoir que des larmes de douleur se mêlaient à celles de la tendresse. Tous ceux qui m'entouraient me paraissaient si étranges que ce changement m'étonna peu. J'étais si changé moi-même que j'aurais regardé comme un phénomène de retrouver les autres dans le même état où je les avais laissés. Mais les changements se suivirent avec tant de rapidité qu'ils produisirent sur moi l'effet de l'ivresse. J'avais 12 ans. Les habitudes rétrécies de mon enfance avaient eu sur moi leur effet ordinaire, c'est-à-dire qu'elles avaient exalté mon imagination aux dépens de mes autres facultés. Je m'attendais à une aventure chaque fois que la porte s'ouvrait, ce qui, par parenthèse, n'arrivait que fort rarement, pour m'annoncer l'heure de la prière, celle du repas et celle de la promenade. Le troisième jour, après mon entrée au palais de Montchada, ma porte s'ouvrit à une heure inusitée. Et cette circonstance me fit trembler de frayeur. Mon père et ma mère entrèrent, suivis d'une foule de domestiques et accompagnés d'un jeune homme, que sa taille avantageuse et son air distingué faisaient paraître plus âgé que moi, quoiqu'il fût réellement mon cadet d'un an. « Alonso, me dit mon père, embrassez votre frère. » Je m'avançai vers lui, avec toute la vivacité de la jeunesse, enchanté d'avoir un nouvel objet d'affection, et prêt à ne mettre aucune borne à mon dévouement pour l'objet aimé. Mais mon frère s'approcha, à pas lents, me tendit les bras d'un air composé, appuya pour un moment sa tête sur mon épaule, et en se relevant me regarda avec des yeux perçants, dont le lustre hautain n'offrait pas un seul rayon d'amitié fraternelle. Cet accueil me déconcerta complètement. Cependant, nous avions obéi à mon père. Nous nous étions embrassés. « Que je vous vois joindre les mains, » dit mon père, comme s'il eût désiré jouir de ce spectacle. Je tendis la main à mon frère et nous restâmes unis pendant quelques instants, durant lesquels mon père et ma mère s'éloignèrent pour nous considérer. J'eus le temps de réfléchir à la comparaison qu'ils devaient faire entre nous. Elle n'était nullement en ma faveur. J'étais grand, mais mon frère était beaucoup plus grand que moi. Il avait un air de confiance, j'ose même dire de conquête. L'éclat de son teint ne pouvait être égalé que par celui de ses grands yeux noirs, qu'il détourna de moi sur nos parents, comme pour leur dire « Choisissez entre nous et rejetez-moi si vous l'osez ». Mon père et ma mère s'avancèrent et nous embrassèrent tous deux. Je me pendais à leur cou. Mon frère se soumit à leurs caresses avec une sorte de fierté impérieuse qui semblait exiger une reconnaissance plus marquée. Je ne les revis plus. Le soir, toute la maison, composée de près de 200 domestiques, fut au désespoir. Le duc de Montchada, que je n'avais vu qu'une fois, venait de mourir. On enleva partout les tapisseries des murs. Tous les appartements se remplirent d'ecclésiastiques. Mes surveillants me négligèrent et géraient dans les chambres spacieuses. J'arrivai enfin dans une pièce et je soulevai par hasard un rideau de velours noir qui m'offrit un spectacle dont, malgré ma jeunesse, je fus extrêmement frappé. Mon père et ma mère, tous deux vêtus de noir, étaient assis à côté d'un lit, où je crus voir mon grand-père endormi, mais son sommeil était très profond. Mon frère était là aussi. Il avait un habit de deuil qu'il paraissait porter à regret et avec impatience. Je m'élançai en avant. Les domestiques me retiraient. « Quoi ? » m'écriai-je. « Ne m'est-il pas permis d'être ici ? » ?»« Mon frère y est bien. » Un ecclésiastique m'entraîna hors de l'appartement. Je me débattis. Et je demandai qui j'étais, avec une arrogance qui convenait plus à mes prétentions qu'à mes espérances. « Vous êtes le petit-fils du feu duc de Montchada, » me répondit-on. « Et pourquoi suis-je traité ainsi ?» Cette question ne reçut pas de réponse. On me reconduisit à mon appartement et l'on me surveilla pendant les funérailles du duc. Il ne fut pas permis de suivre le convoi. Je vis le triste et splendide cortège quitter le palais. Je courais d'une fenêtre à l'autre pour contempler la pompe funèbre que je ne pouvais accompagner. 2 jours après, on me dit qu'une voiture m'attendait à la porte. J'y montai et je fus conduit à un couvent de religieux, qui était connu pour ex-jésuites, quoique personne ne se permît de le dire tout haut. C'était là que devait se faire mon éducation, et dès le soir même, je devins un habitant du couvent. Je m'appliquai à mes études. Mes professeurs furent contents de moi. Mes parents venaient me voir souvent et me donnaient toutes les marques usitées d'affection. Tout allait bien, mais un jour, comme ils se retiraient, j'entendis un vieux domestique de leur suite observer qu'il était étrange que le fils aîné du duc de Montchada fût élevé dans un couvent et destiné à la vie monastique, tandis que le cadet vivait dans un palais superbe, entouré de tous les maîtres qui convenaient à son rang. Les mots de vie monastique sonnèrent affreusement à mes oreilles. Ils m'expliquèrent non seulement l'indulgence que l'on avait pour moi dans le couvent, indulgence tout à fait contraire à la sévérité ordinaire de la discipline, mais encore le langage particulier que tenaient avec moi le supérieur, les frères et les pensionnaires. Le premier que je voyais une fois par semaine donnait les éloges les plus flatteurs au progrès que je faisais dans mes études, et j'en rougissais. car je savais que mes progrès ne pouvaient se comparer à ceux de plusieurs autres pensionnaires. Le Père supérieur me donnait après cela sa bénédiction, à laquelle il ne manquait jamais d'ajouter ces mots. Mon fils, Dieu ne permettra pas que son agneau s'écarte du bercail. Les frères prenaient toujours en ma présence un air de tranquillité qui disait plus en faveur de leur position que ne l'eût fait l'éloquence la plus exagérée. On me cachait soigneusement les petites querelles et les intrigues du couvent, le conflit amer et continuel des habitudes, des humeurs et des intérêts, et les efforts pour varier l'éternelle monotonie de la vie du cloître. Il m'en parvint néanmoins quelque chose, et malgré ma jeunesse, je m'étonnais de ce que des hommes pussent chercher le repos dans une retraite, d'où ils ne savaient pas bannir leurs passions. La même dissimulation régnait parmi les pensionnaires. Si je venais les trouver à l'heure de la récréation, ils se livraient aux amusements qui leur étaient permis avec une sorte de langueur impatiente, donnant à entendre par là qu'ils les regardaient comme une interruption fâcheuse aux occupations plus importantes auxquelles ils étaient livrés. Parfois, un d'eux, s'approchant de moi, me disait « Quel dommage que ces exercices soient nécessaires au soutien de notre fragile nature. Quel dommage que nous ne puissions consacrer tous nos moments au service de Dieu. » Un autre ajoutait « Je ne suis jamais plus heureux que quand je suis dans le cœur. Quel magnifique éloge notre supérieur a prononcé du défunt frère Joseph. Quel beau requiem on a chanté. Je croyais en l'écoutant voir les cieux ouverts et les anges qui descendaient pour recevoir son âme. » J'étais accoutumé à entendre tous les jours de pareils discours et bien d'autres encore. Je commençais alors à les comprendre. Ils s'imaginaient sans doute avoir affaire à un jeune homme bien faible. Mais leurs manœuvres ne firent qu'exciter ma pénétration. Je me tins sans cesse sur le qui-vive. Quand nous nous rendions tous à l'église, ceux qui se trouvaient près de moi se parlaient à voix basse, mais leur chuchotement était en secret destiné à parvenir jusqu'à moi. Je leur entendais dire « C'est en vain qu'ils luttent contre la grâce, il n'y a jamais eu de vocation plus décidée. Dieu n'a jamais remporté une victoire plus glorieuse. Il a déjà tout l'air d'un enfant du ciel. » À compter de ce jour, je commençais à m'apercevoir de mon danger et à réfléchir aux moyens de l'éviter. Je n'avais pas d'inclination pour la vie monastique, mais le soir, après les vêpres, rentré dans ma cellule, j'éprouvais quelques doutes si cette répugnance elle-même n'était pas un péché. Le silence et la nuit rendirent l'impression plus profonde, et je restai plusieurs heures sans dormir, priant Dieu de m'éclairer et de me donner la force de ne point m'opposer à sa volonté, mais le suppliant de me révéler auparavant cette volonté d'une manière incontestable. Enfin, j'ajoutai que si ses vues sur moi n'étaient point celles de la vie religieuse, j'espérais qu'il me soutiendrait dans ma résolution de tout supporter plutôt que de profaner ce saint état par des vœux arrachés et un esprit de répugnance. Pour rendre ma prière plus efficace, je l'offris d'abord au nom de la Sainte Vierge, puis en celui du patron de ma famille, enfin au nom du saint sous la protection duquel j'avais été placé en naissant. Je passai une nuit très agitée, et j'assistai aux matines sans avoir fermé l'œil. Je sentais cependant que j'avais acquis de la fermeté, ou du moins je le croyais. Hélas, je ne savais pas ce qui me restait à souffrir. Je remplis ce jour-là mes exercices avec une assiduité plus qu'ordinaire. J'éprouvais déjà la nécessité de la dissimulation. Nous dînâmes à midi. Bientôt, après la voiture de mon père arriva, et l'on me permit d'aller pendant une heure me promener sur les bords du mont Sanares. Je fus surpris de trouver mon père dans la voiture, et quoiqu'il m'embrassât avec un peu d'embarras, je fus enchanté de le voir. Mes espérances furent trompées quand j'entendis la phrase mesurée qu'il m'adressa. Je me glaçai soudain pour lui, et je pris la résolution d'être aussi prudent à son égard que j'étais obligé de l'être dans les murs de mon couvent. Notre conversation commença ainsi. « Aimez-vous votre couvent, mon fils ?»« Beaucoup. » Il n'y avait pas une apparence de vérité dans ma réponse, mais la crainte d'être circonvenu nous apprend toujours la fausseté. « Le supérieur vous aime ?»« Il paraît m'aimer. » »« Les frères sont attentifs à vos études, ils sont capables de les diriger et d'apprécier vos progrès. » Ils paraissent l'être. Et les pensionnaires, ce sont les fils des premières familles d'Espagne. Je les crois contents de leur situation et impatients de jouir de tous ces avantages. Cela me paraît ainsi. Mon cher fils, vous m'avez trois fois répondu, à peu près par la même phrase, et je ne puis y attacher aucun sens. Parce qu'il m'avait semblé que tout cela n'était que de l'apparence. Comment donc? Vous imagineriez-vous que la dévotion de ces saints hommes, la profonde attention que les élèves donnent à leurs études ne sont... Mon très cher père, je ne me mêle pas de ce qui les regarde. Je ne puis parler que de moi. Je ne saurai jamais être un moine. Si c'est là votre but, rejetez-moi. Dites à vos laquais de me faire descendre de votre voiture. Laissez-moi courir les rues de Madrid en criant « du feu et de l'eau ». Mais ne faites pas de moi un religieux. » Mon père parut étourdi de cette apostrophe. Il ne répondit pas un mot, car il ne s'était pas attendu à apprendre d'avance de moi le secret qu'il croyait avoir à me confier. Dans cet instant, la voiture fit un détour pour entrer sur le Prado. Un millier d'équipages magnifiques, des chevaux ornés de plumets et superbement carapaçonnés. De belles femmes causant avec des cavaliers qui se tenaient un moment sur le marchepied de la voiture, et puis faisaient le salut d'adieu aux dames de leurs pensées. Tel fut le spectacle qui s'offrit à nos yeux. Je vis dans ce moment mon père arranger son riche manteau et le réseau de soie qui nouait ses cheveux, et donnait ensuite à son cocher l'ordre muet d'arrêter, afin qu'il pût descendre et se mêler à la foule. Je profitai de cet instant, et saisissant son manteau, je m'écriai. « Mon père, ce monde vous paraît donc délicieux, et vous pourriez exiger que j'y renonçasse? Moi qui suis votre fils ?»« Ouais, vous êtes trop jeune pour en jouir, mon fils. »« Oh, s'il en est ainsi, je suis encore plus jeune pour cet autre monde où vous voulez me forcer d'entrer. »« Vous forcez, mon enfant, mon ami. » Il prononça ces derniers mots avec tant de tendresse qu'involontairement je baisais sa main, tandis que ses lèvres se collaient sur mon front. Ce fut dans ce moment que j'étudiai soigneusement la physionomie et toute la personne de mon père. Il avait été père avant d'avoir 16 ans. Ses traits étaient charmants et sa figure la plus gracieuse que j'aie jamais vue. Marié de bonne heure, cette heureuse circonstance l'avait préservé de tous les maux qui suivent les excès de la jeunesse, et lui avait conservé cette fraîcheur de teint, cette élasticité des membres, en un mot cette grâce que le vice flétrit trop souvent, avant qu'elle ait eu le temps de s'épanouir. Il n'avait que 28 ans, et il en paraissait à peine 20. Il sentait ses avantages, et il jouissait des plaisirs de la jeunesse, comme s'il n'eût pas été père de famille. En même temps, il condamnait son fils à la froide et cruelle monotonie d'un cloître. Je m'attachais à cette idée avec l'ardeur d'un homme qui se noie, mais je trouvais qu'il n'y a point de paille aussi faible que le sentiment mondain des hommes. Le plaisir est égoïste, et l'égoïsme, qui demande du secours à l'égoïsme, ressemble à un banqueroutier qui donnerait à un autre banqueroutier pour caution. Je n'imaginais cependant que si le goût du plaisir rend un homme personnel dans un sens, il devait le rendre généreux dans un autre. Le voluptueux ne renoncerait pas, à la vérité, à la plus légère satisfaction pour sauver le monde entier. Mais il serait bien aise que le monde entier jouît avec lui, pourvu qu'il ne lui en coûtât rien, parce que sa jouissance en serait augmentée. Je commençai donc par supplier mon père de permettre que je revisse encore une fois la scène brillante qui s'offrait à nous. Il consentit, et son cœur, adouci par sa condescendance, et égayé par le spectacle qui l'intéressait plus que moi, car je ne l'observais que pour découvrir l'effet qu'il ferait sur lui, son cœur, dis-je, me devint de plus en plus favorable. J'en profitai, et quand nous retournâmes au couvent, je mis en usage tout le pouvoir de mon génie et de ma raison, pour faire à sa tendresse un appel énergique. Je me comparais à l'infortuné Ésaü, privé de son droit d'aînesse par un frère cadet, et je m'écriai dans son langage. N'avez-vous point de bénédiction pour moi, ô mon père? Bénissez-moi aussi. Mon père fut touché. Il me promit de réfléchir à ce que je lui demandais. mais il me fit entendre qu'il éprouverait quelques difficultés de la part de ma mère, davantage de la part de son directeur, qui, d'après ce que je découvris plus tard, gouvernait toute la famille. Et enfin, il me dit très vaguement qu'il pourrait exister à l'accomplissement de mes désirs un obstacle insurmontable et inexplicable. Mon père me permit cependant de lui baiser la main en partant, et je m'aperçus qu'il combattait contre son émotion, en le sentant baigné de mes larmes. Des jours après, on vint m'annoncer que le directeur de ma mère m'attendait au parloir. Je pensais que l'intervalle qui s'était écoulé depuis ma conversation avec mon père avait peut-être été employé à une discussion de famille, ou pour mieux dire, à une conspiration contre moi. Et je tâchais de me préparer aux divers combats que j'aurais à soutenir contre mes parents, mes directeurs, mes supérieurs, mes novices et mes pensionnaires, tous résolus de remporter la victoire, sans égard aux moyens qu'ils emploieraient pour y parvenir. Je commençais à mesurer le pouvoir des assaillants, afin de me munir des armes nécessaires pour repousser leurs attaques. Mon père était doux, flexible et sans fermeté. Je l'avais adouci en ma faveur, et je sentais que c'était là tout ce que je devais attendre de lui. Quant au directeur, il fallait d'autres armes. En descendant au parloir, je composais mes regards et ma marche. Je modulais ma voix, j'arrangeais mes habits, je lui trouvais un air grave mais doux. J'espérais quelques remords. Peut-être, dis-je en moi-même, est-ce un message de réconciliation qu'il m'apporte. Notre conversation fut longue, et je découvris dès lors dans le directeur cette profonde politique qui m'a rendu les jésuites que trop fameux. Il commença par me parler d'un ton d'ironie, de ma vanité, qui me faisait croire que je savais mieux que mes parents ce qui me convenait. Puis il me dit qu'il existait un motif profond et secret qui forçait mes parents à exiger de moi ce sacrifice. Quand je lui demandai l'explication de ce mystère, il s'enveloppa d'un mystère plus profond encore. L'honneur d'une des premières maisons de l'Espagne, la paix d'une famille entière, la délicatesse d'un père, la réputation d'une mère, les intérêts de la religion, le salut éternel d'un individu, tout cela, me dit-il, dépendait de moi. Il me supplia de ne pas les exposer, et alla même jusqu'à tomber à mes genoux. À cette vue, je me sentis humilié pour lui. Elle détruisit tous les faits de son discours. Je lui répondis avec fermeté que je n'embrasserais jamais la vie religieuse. La colère fit place alors aux supplications, et il sortit une seconde fois de son caractère, mais dans un sens opposé. Cette fois-ci, il ne me laissa pas le temps de répondre, et rentrant tout de suite en lui-même, il se reprocha sa vivacité, et reprenant le ton mielleux avec lequel il avait commencé, il me demanda pardon, et me proposa de prier Dieu ensemble afin qu'il daignât m'éclairer. Je tombai à genoux dans l'intention de faire une prière mentale, mais je fus bientôt entraîné par la ferveur de son langage. L'éloquence et l'énergie de ses discours m'emportèrent avec lui, et je me sentis forcé de prier, dans un sens tout différent de celui que dictaient les vœux les plus ardents de mon cœur. Il avait réservé ce trait pour le dernier, et il avait bien fait. Jamais je n'avais rien entendu qui ressemblât autant à de l'inspiration. En écoutant involontairement des effusions qui ne semblaient pas provenir de la bouche d'un mortel, je commençais à douter de mes propres motifs et à scruter mon cœur. J'avais dédaigné ses menaces, j'avais défié sa colère, mais il priait, et je fondais en larmes. J'étais enfin dans la situation d'esprit où il avait voulu m'amener. En me quittant, il m'engagea à réitérer mes prières pour que Dieu m'éclairât. Tandis que de son côté, il allait s'adresser au ciel pour qu'il daignât toucher le cœur de mes parents et leur révéler quelques moyens de m'épargner le crime et le parjure d'une vocation forcée, sans se laisser entraîner eux-mêmes dans un crime, s'il se pouvait, plus grand et plus épouvantable encore. il me quitta pour retourner auprès de mes parents, et pour les pousser par son influence aux mesures les plus rigoureuses contre moi. Ses motifs pour une telle conduite étaient déjà suffisamment graves avant qu'il m'eût parlé. Leur force se trouva décuplée après son départ. Excité d'abord par sa conscience seule, maintenant son amour-propre s'y trouvait engagé. Et je n'eus que trop lieu de découvrir l'importance qu'il y mettait. Quoi qu'il en soit, je passai les jours qui suivirent sa visite dans un état d'irritation impossible à décrire. J'avais quelque chose à espérer, ce qui vaut souvent mieux que de jouir d'un bonheur actuel. La coupe de l'espérance invite à boire, celle de la jouissance trompe ou étanche la soif. Je faisais seul de longues promenades dans le jardin du couvent. J'inventais des conversations imaginaires. Les pensionnaires me regardaient, et conformément à leur instruction, ils se disaient entre eux, « Il médite sur sa vocation. Il supplie que la grâce vienne l'illuminer. Ne le troublons pas. » Je ne jugeais pas convenable de les détromper. Et je continuais à me livrer à mes rêveries. Je m'imaginais être dans le palais de mon père. Je le voyais délibérant avec ma mère et le directeur. Je parlais pour chacun d'eux, je sentais pour tous. Je me peignais l'éloquence passionnée du directeur, ses vives représentations sur ma répugnance à prendre l'habit, sa déclaration que de nouvelles importunités seraient désormais aussi impies qu'inutiles. Je voyais renaître l'impression que je me flattais d'avoir déjà faite sur mon père. Je voyais ma mère céder. Je voyais le murmure du consentement, d'abord douteux, puis décidé, suivi de félicitations. Je voyais approcher la voiture. J'entendais la porte du couvent s'ouvrir. Liberté, liberté. J'étais dans leurs bras. Non, j'étais à leurs pieds. Que ceux qui me trouvent ridicule se demandent si ce n'est pas à l'imagination qu'ils ont dû les seules véritables jouissances qu'ils aient éprouvées dans leur vie. Dans ces drames que je composais, ainsi impromptu, je sentais cependant que les personnages ne parlaient pas avec tout l'intérêt que j'aurais désiré, et les discours que je mettais dans leur bouche auraient été prononcés avec 10 000 fois plus d'âme par moi-même. Le 6e jour, j'entendis une voiture et mon cœur battit avec violence. J'étais convaincu que je reconnaissais le bruit des roues. Avant qu'on m'eût appelé, j'étais déjà dans le vestibule. Je sentais qu'il était impossible que je me trompasse, et en effet, je ne me trompais pas. J'arrivai au palais de mon père dans un véritable délire. On m'introduisit dans une chambre où je trouvai mon père, ma mère et le directeur, tous assis dans le plus profond silence et immobiles comme des statues. Je m'approchai, je leur baisai la main et puis je m'éloignai sans pouvoir respirer. Mon père fut le premier qui interrompit le silence. Mais il parla de l'air d'un homme qui répétait un rôle qu'on lui avait dicté. Le ton de sa voix contredisait tous les mots qu'il était censé prononcer. « Mon fils, me dit-il, je vous ai envoyé chercher, non pas pour combattre encore votre faiblesse et votre opiniâtreté, mais pour vous annoncer ce que j'ai résolu. La volonté du ciel et celle de vos parents vous ont consacré au service de Dieu, et votre résistance ne peut que nous rendre tous malheureux, sans ébranler cette résolution. » Dans ce moment, le besoin de prendre haleine me força d'ouvrir la bouche. Mon père, s'imaginant que j'allais répondre, quoique je fusse incapable de prononcer un mot, se hâta de m'en empêcher. « Mon fils, toute opposition est inutile. Toute discussion serait sans fruit. Votre sort est fixé. En vous débattant, vous pourrez le rendre misérable, mais vous ne le changerez point. Conformez-vous, mon enfant, à la volonté du ciel et de vos parents. Ce révérend personnage vous expliquera mieux que moi la nécessité de votre obéissance. » Mon père, évidemment fatigué d'une tâche qu'il avait entreprise à regret, se levait pour se retirer quand le directeur lui dit « Arrêtez, seigneur, et avant de partir, assurez votre fils que j'ai rempli la promesse que je lui ai faite, et que depuis ma dernière entrevue avec lui, je n'ai négligé aucun argument pour porter Madame la Duchesse à prendre la décision la plus conforme à ses meilleurs intérêts. » L'ambiguïté de cette expression ne m'échappa pas. et rassemblant mes forces, je dis à mon tour, révérend père, je suis fils, et je n'ai besoin de personne pour intercéder auprès de mes propres parents. Je suis devant leurs yeux, et si leur cœur ne parle pas pour moi, votre médiation sera tout à fait inutile. Je vous avais seulement prié de leur faire connaître mon invincible répugnance. À ces mots, ils m'interrompirent tout en répétant mes dernières paroles. Répugnance invincible! Est-ce pour cela que nous vous avons admis en notre présence? N'avons-nous supporté si longtemps votre opiniâtreté que pour que vous aggraviez encore votre faute? Oui, mon père, oui, sans doute. Si l'on ne me permet point de parler, pourquoi m'a-t-on amené ici? Parce que nous espérions être témoins de votre soumission. Permettez-moi d'en donner des preuves à genoux. Je m'agenouillai, en effet, espérant que cette humble posture adoucirait l'effet des paroles que je ne pouvais m'empêcher de prononcer. Je baisai la main de mon père. Il ne la retira pas, et je la sentis trembler. Je baisai le bas de la robe de ma mère. D'une main, elle voulut la retirer, tandis que de l'autre, elle se cachait le visage, et je vis des larmes s'échapper sous ses doigts. Je me mis aussi à genoux, devant le directeur. Mais il m'arracha sa robe et leva les yeux au ciel, comme pour le prendre à témoin de l'horreur que je lui faisais. Je sentis alors que je n'avais d'espoir que du côté de mes parents. Je me retournai vers eux, mais ils m'évitèrent et parurent désirer que le directeur se chargeât du reste. Il s'approcha de moi et dit, « Mon fils, vous avez prononcé que votre répugnance pour la vie de Dieu était invincible. Mais ne peut-il pas y avoir des choses plus invincibles encore pour votre courage ? Supposez les malédictions de ce Dieu confirmées par celles de vos parents et aggravées par les foudres de l'Église dont vous avez rejeté les avances. Mon père, ce sont là de terribles paroles, mais j'ai besoin maintenant de faits. Insensé, je ne vous comprends pas. Vous comprenez-vous vous-même ? Oh oui, oui, lui dis-je. Et toujours à genoux, je me tournai encore vers mon père et je m'écriai. Oh mon cher père, la vie humaine est-elle tout entière fermée pour moi ? Elle l'est, dit le directeur, répondant pour mon père. N'y a-t-il pour moi aucun secours ? Aucun, point de profession ? Une profession, misérable ! Permettez que j'embrasse la plus vile de toutes, pourvu que je ne sois pas un moine. Il est aussi corrompu que faible. Oh mon père, ne souffrez pas que cet homme réponde pour vous, donnez-moi une épée. Dites-moi d'aller chercher la mort dans les armées de l'Espagne. La mort est tout ce que je demande. Je la préfère à la vie à laquelle vous voulez me condamner. C'est impossible, dit mon père en revenant d'un air sombre de la fenêtre contre laquelle il s'était appuyé. L'honneur d'une famille illustre, la dignité d'un grand d'Espagne. Oh mon père, que cela vous paraîtra peu de chose quand vous m'aurez vu mourir d'une mort prématurée et que vous-même, vous consumerez de douleur sur ma tombe. Mon père frémissait. « Seigneur, dit le directeur, je vous supplie de vous retirer, cette scène est trop forte pour vous. Vous me quittez, m'écriai-je en le voyant partir. Oui, oui, répéta le directeur, il vous quitte, chargé de la malédiction de votre père. Oh non, dit mon père à voix basse. Mais le directeur lui prit la main et le serra avec force. De votre mère, j'entendis couler les larmes de ma mère, et de Dieu. En disant ces mots d'un ton théâtral, il entraîna mes parents hors de la chambre. Et je restai seul. Dans mon désespoir, je m'écriai. Oh, si mon frère était ici pour intercéder en ma faveur. En prononçant ces paroles, je tombai, ma tête heurta contre une table de marbre et je glissai par terre, couvert de sang. Les domestiques me trouvèrent dans cette situation. Ils jetèrent des cris, on vint à mon secours. On crut d'abord que j'avais voulu attenter à ma vie. Heureusement, le chirurgien que l'on appela était un homme aussi savant qu'humain. Après avoir coupé mes cheveux ensanglantés et avoir examiné la plaie, il déclara qu'elle était peu considérable. Ma mère sans doute pensa comme lui, car au bout de 3 jours, elle me fit appeler dans son appartement. J'obéis, un bandeau noir, une vive douleur dans la tête. Et une pâleur peu naturelle étaient les seules marques que je conservasse de mon accident. Le directeur avait persuadé à ma mère que le moment était favorable pour faire sur moi une impression décisive. Jamais je n'oublierai mon entrevue avec ma mère. Elle était seule quand j'entrais, et avait le dos tourné contre la porte. Je m'agenouillai et lui baisai la main. Ma pâleur et ma soumission parurent la toucher. Mais après avoir combattu son émotion, elle la vainquit, me dit d'un ton froid et préparé. « Pourquoi ces marques extérieures de respect quand votre cœur les désavoue ? Madame, ma conscience ne me reproche point de dissimulation. Votre conscience, comment se fait-il donc que vous soyez ici ? Comment n'avez-vous pas depuis longtemps épargné à votre père la honte d'adresser des prières à son propre enfant ? La honte plus humiliante encore de les lui adresser en vain. Comment n'avez-vous pas épargné au père directeur le scandale de voir l'autorité de l'Église violée dans la personne de son ministre, et les remontrances du devoir aussi peu efficaces que la voix de la nature? Et moi, oh, pourquoi ne m'avez-vous pas épargné ce moment de douleur et de honte ? En prononçant ces mots, elle fondit en larmes, et ses pleurs pénétrèrent jusqu'au fond de mon âme. « Madame, lui dis-je, qu'ai-je fait pour mériter des reproches si cruels ? Ma répugnance pour la vie monastique n'est pas un crime. »« Elle est un crime en vous. »« Mais de grâce, ma chère mère, si l'on faisait la même proposition à mon frère, son refus serait-il aussi un crime ?» Je dis cela presque sans savoir ce que je disais, et seulement par manière de comparaison. Je n'y entendais pas malice. Et je ne voulais accuser ma mère que d'une injuste partialité. Elle me détrompa en ajoutant d'une voix qui me glaça le sang. « Il y a une grande différence entre vous. Je le sais, madame, il est votre favori. Non, j'en prends le ciel à témoin, non !» Ma mère, qui avait paru jusque-là si sévère, si décisive, si impénétrable, prononça ces paroles avec une sincérité qui me toucha. Il semblait qu'elle en appelât au ciel des préventions de son enfant. « Mais, madame, lui répondis-je, cette différence est inexplicable. Et voudriez-vous que ce fût moi qui l'expliquât ? Vous ou tout autre, madame ? Moi ? » répéta-t-elle sans m'écouter. Puis, baisant un crucifix qu'elle portait au cou, elle ajouta, « Mon Dieu, le châtiment est juste, je m'y soumets, quoiqu'il me soit infligé par mon propre enfant. Vous êtes illégitime. » ajouta-t-elle en se tournant tout à coup vers moi. « Vous êtes illégitime, mais votre frère ne l'est pas. Votre entrée dans la maison de votre père est non seulement une honte pour elle, mais encore un avertissement éternel de ce crime qui l'aggrave sans l'absoudre. Je restai muet. « Oh, mon enfant, continua-t-elle, prenez pitié de votre mère. Cette confession que son propre fils lui a extorquée ne suffit-elle pas pour sa faute ? Continuez, madame, maintenant je puis tout supporter. Il faut bien que vous le supportiez, puisque c'est vous qui m'avez forcé à cet aveu. Je suis d'un rang très inférieur à celui de votre père. Vous fûtes notre premier enfant, il m'aima. Pardonnant ma faiblesse dans laquelle il trouvait une preuve de mon amour, il m'épousa. Et votre frère est notre enfant légitime. Votre père, soigneux de ma réputation, convint avec moi que notre mariage, ayant été secret et son époque étant incertaine, vous passeriez pour légitime comme lui. Pendant bien des années, votre grand-père, irrité de notre union, refusa de nous voir, et nous vécûmes dans la retraite. Et l'âge que n'y ai-je terminé mes jours. Peu de temps avant sa mort, il s'adoucit et nous envoya chercher. Ce n'était pas le moment de lui faire connaître l'erreur où il était, et vous lui fûtes, en conséquence, présenté comme l'enfant de son fils, comme l'héritier de ses honneurs. Mais à compter de ce jour, je n'eus pas un instant de repos. Le mensonge que j'avais osé prononcer devant Dieu et le monde, à un père mourant, l'injustice que je commettais envers votre frère, la violation des devoirs naturels et des droits légitimes, tout se réunit pour exciter des remords qui me reprochaient non seulement ma première faute et mon parjure, mais même un sacrilège. Un sacrilège ? Oui, chaque instant que vous tardez à prendre l'habit religieux est un vol que vous faites à Dieu. Avant que vous fûtes au monde, je vous consacrais à lui comme la seule expiation possible de mon crime. pendant que je vous portais encore dans mon sein, j'osais implorer son pardon sous la condition que vous intercédiez pour moi en qualité de ministre de la religion. Avant que vous fussiez en état de parler, je me fiais à vos prières. Je me proposais de confier le soin de ma pénitence à un être qui, en devenant l'enfant de Dieu, expirait la faute que j'avais commise en faisant de lui l'enfant du péché. Dans mon imagination, je prosternais déjà devant votre confessionnal. Je vous entendais prononcer mon absolution par l'autorité de l'Église et par l'ordre du ciel. Je vous voyais au chevet de mon lit de mort, pressant la croix contre mes lèvres glacées, et montrant du doigt le ciel où, par mon vœu, je vous avais assuré une place. Vous voyez que dès avant votre naissance, je m'efforçais déjà de vous élever au ciel, et pour toute récompense, vous voulez nous entraîner l'un et l'autre dans l'abîme de la perdition. Ô mon fils, si nos prières et notre intercession peuvent être de quelque secours aux âmes de nos aïeux, ne fermez point l'oreille à une mère vivante qui vous conjure de ne pas mettre le sceau à sa condamnation éternelle. J'étais hors d'état de répondre. Ma mère le vit et redoubla d'efforts. Mon fils, si je croyais qu'en me jetant à vos genoux, je pourrais vaincre votre opiniâtreté, vous m'éveilleriez à l'instant même. Cessez, madame, un pareil spectacle devrait me tuer. Et cependant, vous ne voulez point céder. La douleur que me cause cet aveu, les intérêts de mon salut et du vôtre, le soin de ma vie ne vous touchent pas. Elle s'aperçut que ces paroles me faisaient trembler, et elle répéta les dernières. Oui, le soin de ma vie. Je ne survivrai pas au jour où votre inflexibilité m'aura exposé à la famille. Si vous avez de la fermeté, j'en ai aussi, et je n'en crains pas les suites, car Dieu vengera sur votre âme et non sur la mienne le crime auquel un enfant ingrat m'aura porté. Et pourtant, vous ne voulez pas céder. Eh bien, j'y consens. L'abaissement de mon corps n'est rien auprès de cet abaissement de l'âme auquel vous m'avez déjà poussé. Je suis aux pieds de mon enfant, et je lui demande la vie et le salut. Ma mère s'agenouilla devant moi en disant ces mots. Je voulus la relever. Elle me repoussa et s'écria d'une voix affaiblie par son désespoir. « Et vous ne voulez pas céder ?»« Je n'ai pas dit cela. »« Et qu'avez-vous donc dit ?»« Ne me relevez pas, ne m'approchez pas, avant de m'avoir répondu. » »« J'ai dit que j'y réfléchirais. » Réfléchir, il vous faut décider. Eh bien, donc, je suis décidé. À quoi? À faire de moi tout ce que vous voudrez. À peine eus-je prononcé ces mots que ma mère tomba sans connaissance à mes pieds. Quand je m'efforçais de la soulever, dans le doute si elle vivait encore, je sentis que je ne me serais jamais pardonné, si un refus de ma part l'avait réduite à cet état.